Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelles tendances. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue dans ce nouveau Holiday Mix. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 60 minutes de nouveautés house agrémentées de quelques tubes remixés avec maestria par les spécialistes du genre. Vous pourrez découvrir Shakira remixé par DJ Kous. Il y aura Marc Mendes, le résident du Pacha d'Ibiza, Chris Lake, Todd Terry, un mashup d'Eric Dex et bien d'autres. On démarre ce Holiday Mix avec une reprise du Bottle de Joe Button, remake Soulful signé Overstreet. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. See that young boy over there running scared. His old man's in the bottle. He done quit his 9-to-5 to drink full time. Now he's living in the bottle. See that young boy over there running scared. His old man's got a problem. And it's a bad one. He done pawned off damn near everything. His old woman's wedding ring for a bottle. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people living in the bottle. See that sister sure is fine before she started drinking wine in the bottle. She told me her old man committed a crime. He's doing time and now she's hanging in a bottle. I see her out there on the avenue all by herself. She'll need help from the bottle. I see her beat a man trying to help her out. She cussed him out and hit him in the head with a bottle. Now don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people living in a bottle. See that jet in a Rick old suit. He done damn near blown his cool in a bottle. He was a doctor helping young girls along. If they weren't but too far to have a problem, I mean complications. Defenders of the dollar eagle said what you're doing, man, ain't legal. And now he's in the bottle, yeah. And now we watch him every day. He's trying to chase the prisons away with the bottle. He turned to me and said, give me a handout. Now don't you think it's a crime, yeah, when time after time after time people in a bottle, there's people living in the bottle. Bottle. To Monsieur Cortez, Soulful House Session. Boy, you know we both belong to someone else. Shouldn't be here with you. Found myself being untrue. What will he say? What will she say if they find out? If they find out the way we lay. It's my one desire that you take me higher to a place where I can feel sublime. You and me, oh baby, ecstasy like crazy, touching me like this should be alright. It's such a shame, boy, the way you're holding me tonight. Shame, shame, but keep on holding me tight. Oh yeah, it's such a shame. Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Bye. y sonrisa nerviosa. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene nombre, lo logró tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene nombre, lo logró tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Quiero que te dejes querer. Quiero que te dejes querer. Quiero que te dejes querer. Holiday Mix, ça baigne dans l'Iberican House, Addicted to You, le tube de Shakira remixé par DJ Kous. Juste avant, nous avons eu droit à une petite dose d'électro swing de fabrication soviétique avec What the Fuck et leur Do Wop. Et encore avant, c'était Richard Earnshaw, grand maître de la soulful, accompagné de Michelle Weeks sur son Shame. À venir, dans quelques minutes, un hommage à la house d'il y a 20 ans avec TWR72 qui ont réarrangé à leur manière le Playing With Knives de Bizarre Inc. Mais dans l'immédiat, on reste en Espagne avec les Cube Guys qui nous proposent ce titre quelque peu extravagant. Voilà, voilà, bienvenue au cirque. Attention, s'il vous plaît. Vous faites attention. Vous faites attention, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. en musique. Voilà, voilà. De quoi? De la musique! De la bonne musique! Il faut de la bonne musique! Bon. Bon. J'ai de la bonne musique pour toi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Holiday Mix. We'll be right back.

Holiday Mix. Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Party rock! Yeah. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. to pretend she's all the one self-assured. Oh no, the dirty word. Comme un malade, son nom Eric Dex avec son méga mash de Nirvana dans lequel vous aurez reconnu LMFAO, Fede Legrand, Blur et plein d'autres. Holiday Mix, c'est presque terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition spéciale grosse basse. En voici un avant-goût de quelques secondes. Très bonne semaine à vous. Bye bye.